Bonsoir à tous, vous êtes sur The Budget, il est 21h, nous sommes le 28 janvier et vous êtes dans le Nouvel Explorateur. Vous avez choisi auparavant le sujet de l'émission qui sera sur la France. Et vous avez choisi ce sujet sur mon Instagram, mais cette fois-ci, je vais arrêter de vous demander le sujet de l'émission tous les 15 jours, puisque celui-ci est définitif, ça sera la France, jusqu'à la fin de la saison. Normalement, il y aurait dû avoir un invité, malheureusement il n'a pas pu venir. L'invité c'est SNJ, nous écouterons un de ses morceaux un peu plus tard, après l'intro. Et là, il est temps de vous dire la programmation de cette émission du 28 janvier. Et nous verrons une ville française durant cette émission. Ce sera soit Marseille, soit Nice, soit Saint-Tropez. Le programme de l'émission sera comme ceci. Il y aura d'abord la musique de l'invité, ensuite une ville française, soit Marseille, soit Nice, soit Saint-Tropez. Et après cela, il y aura Joseph Salva pour Open Season, une autre saison. Et ensuite, la dernière musique de l'émission, enfin l'avant-dernière musique de l'émission, ça sera Calogero pour Face à la mer. Et à la fin, ça sera Gérald de Palmas pour Tomber. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on est déjà en été, vu la température qui fait. Mais on n'est même pas en février. Donc franchement, je vais faire un petit message de prévention, prenez soin des vôtres, même si ce n'est pas encore la canicule, il fait quand même assez chaud. Comme le rappeur que nous allons écouter prochainement, qui est SNJ, et ça sera SNJ pour son titre posé sur la Touffa Jet, dans le Nouvel Explorateur. C'est maintenant, tout de suite. Je suis posé, mon flow est dosé, tu peux pas dire qu'on est taisé. Moi je domine, le fond qu'encaissé, la musique là je peux pas arrêter. Fond à décès, je suis rentré, j'irai jusqu'au dessert. Dans le gâteau je veux croquer, je veux ma part solide à côté. Gourou m'a côté, Ibe m'y fait, Boca kiffé. Je m'en fous des critiques, tant que ça, un clic clic. On le mais tout peut aller vite, le mal est égoïste, c'est moi qui vous le dis. C'est chacun pour soi. Je m'en fous d'être observé. Posé, je suis calé, posé. On est posé. Je m'en fous d'être observé. Posé, rageux, font que parler. Posé, parler, parler, parler. Posé, rageux, font que parler. Posé, parler, parler, parler. La vie n'est jamais à long couloir. Y'a des hauts, y'a des bas. Chaque femme a son histoire. Chaque femme a ses problèmes. La vie est faite de faux semblants. Tu me dis que ça va, ton cœur me ment. Je te demande, mais ta réponse m'importe. Quand t'es gentil, les gens s'emportent. Rapporte l'argent et ferme la porte. Posé, je suis calé, posé, on est posé. Je m'en fous d'être observé. Posé, je suis calé, posé, on est posé. Je m'en fous d'être observé. Posé, rageux, font que parler. Posé, parler, parler, parler. Posé, rageux, font que parler. Posé, parler, parler, parler. C'était SNJ pour poser sur The Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, nous allons écouter Open Season, notre saison de Soses Salva sur The Fadjet dans le Nouvel Explorateur. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. Well,

sur Louis XIII à l'art moderne, classé récemment 5 étoiles, est référencé parmi les plus beaux hôtels du monde. Et il y a le Palais de la Méditerranée, temple des arts et des jeux durant les années folles. Il apparaît dès 1927, année de sa construction, comme le plus grand studio casino du monde. Fermé en 1978, ce n'est qu'en 2004, après 3 ans de travaux, que le mythe à l'architecture Art déco est ramené à la vie, grâce à un promoteur privé qui restaure l'intérieur du bâtiment en conservant la somptueuse façade classée monument historique. Il s'inscrit aujourd'hui dans les plus beaux hôtels du monde 5 étoiles. Il y a en plus de cela à Nice d'immobrables parcs et jardins. Quand par exemple, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a la promenade du Paillon, le parc Phoenix, le jardin botanique, le parc de la colline du château, le jardin des arènes de Cimier, le jardin du monastère du Cimier, le Montbouron, le parc Chaubrun. Et là, il y a encore plein d'autres jardins et parcs à découvrir. Mais en plus de cela, à Nice, il y a aussi le carnaval de Nice qui débute le 15 février 2020, samedi à 21h. Le carnaval de Nice, c'est quoi? Eh bien, le carnaval de Nice est le premier carnaval de France et l'un des plus célèbres du monde. Il se déroule chaque hiver à Nice, mois de février, durant 2 semaines, incluant 3 week-ends, et attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Il constitue la fête emblématique du calendrier événementiel niçois, parmi les quelques 850 événements culturels, festifs ou sportifs qui se déroulent chaque année. Il est maintenant temps de se rendre à la promenade des Anglais, face à la mer, face à la mer. C'est un titre de Calogero qui arrive maintenant sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et c'est dans 3, 2, 1, maintenant. Choisis ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit une ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en treillis de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, MICRO. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver, déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais. De semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à 1 euro ou la tape à l'arraché. Y'a l'état, les RMistes, l'état qu'a t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire. S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action. Face à la mer. Ouais. Je prends mon dernier impassible, trop jeune pour mourir. C'était Calogero et Passy pour Face à la mer sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et je vous rappelle que notre invité qui n'a pas pu venir, c'est SNJ. SNJ qui est un rappeur nancéen, donc un rappeur du coin. On lui fait une dédicace. Et maintenant, on va écouter la dernière musique de l'émission qui va sûrement vous rappeler des souvenirs puisque le titre c'est Petite Sœur de l'âme et c'est maintenant sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Je te vois regarder par la fenêtre comme si c'était moi, comme si j'étais dans ta tête. Crois-moi petite sœur, le silence et le froid, je connais par cœur, j'y suis passée avant toi. Je te vois attendre, attendre que tourne ta chance. Là je t'entre dans la différence et tu refais la liste de ce qui ne va pas. Petite sœur de l'âme sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, on va mettre une autre musique qui date aussi un peu. Et cette musique, c'est Camaroc de Nadia sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur qui arrive maintenant. Love. message qui résonne. Un cri qu'on abandonne. Unissons nos voix. Comme un rock, ensemble comme un rock. Tous unis comme un rock. Tous tel un bloc. Solid comme un rock. Ensemble comme un rock. En ce lieu comme un rock. Tous tel un bloc. Solid comme un rock. Derrière que les regards. Chaque pas. C'était Nadia pour Rock sur du Fadjet dans le New Explorateur et maintenant c'est déjà la fin de l'émission. Malheureusement, on a quand même bien dépassé le temps réglementaire qui était de 20 minutes. Là on en est à 24 minutes. Bon allez, 13 de bavardage. À bientôt, on se reverra vers mi-février. Et maintenant c'est le jingle.